Oui, je donne l'enfant à la fille, à sa fille. Oui. Je pardon, calme-le un peu pendant que tu ouvres la porte. Oui. La porte. Maintenant, il s'est calmé. Quand on est entré, il s'est calmé. Oui. Elle est donc allée sur le canapé, le nettoyer. Donc, enlever les habits pendant que j'apprêtais l'eau oui. pour le nettoyer rapidement. Pendant que je sortais donc pour chercher de l'eau, elle me dit, je dis, ah, il s'est calmé. Elle dit que oui, mais il fait comme ça, il tousse. Après, il fait, viens voir comment il fait. C'est là où je suis arrivé. J'ai vu comment l'enfant faisait. Mm-hmm. Ils se sont montés. Le temps de courir. Oui. Arrivé à l'hôpital. Attends, là tu es sorti, tu ne peux aller chez celui, l'ami de ton mari. Je suis d'abord allé là-bas. Attends, tu es allé là-bas avec l'enfant. Oui, je suis d'abord allé là-bas. J'ai dit que, regardez, ils ont essayé de prier. Lui aussi, il est chrétien. Lui, il est pasteur à l'église, plein d'évangile. Et ta petite soeur qui est ici, oui. le connaît. Très bien. Oui. Et qu'est-ce que le pasteur l'a dit quand il a fini de prier? Non, il n'a même pas... Il m'a dit qu'il avait peur, qu'on va dire que c'est la négligence. C'est pour ça qu'il n'a pas insisté sur la prière. Oui. Donc, moi, j'amenais comme ça pour que s'il y a une moto aux alentours, donc il m'aide à pouvoir vite amener l'enfant. Oui. Mm-hmm. C'est donc comme ça que quand j'ai vu comment il priait, après il m'a fait signe que maman court seulement. Mm-hmm. L'ami de ton mari qui est pasteur. Oui. Oui. Court seulement, il m'a fait signe comme ça. Et là, tu es monté sur la moto avec l'enfant? Non, je ne suis même pas monté sur la moto. Tu as fait comment? J'ai pris mon enfant, j'ai couru, je suis arrivé au centre, son cœur battant. Attends. Mm-hmm. Tu es allé à pied avec l'enfant? À pied. Et parce qu'il n'y a pas de moto à cette heure-là? Non, ma route là, c'est difficile d'avoir une moto. Donc, oui. Il faut d'abord sortir. Oui, il fallait arriver à Baoba pour avoir une moto. Oui. Oui. Comme il y avait un centre, je voulais qu'on mette quelque chose. Un centre de santé qui est proche de la maison. Oui. Mm-hmm. Je voulais qu'on le réanime d'abord vite. Mm-hmm. L'enfant, son cœur battait encore? Oui, son cœur battait encore. Oui. Elle essayait de mettre la. Ça, nous sommes quel jour? Nous sommes samedi, la nuit du samedi que vous avez quitté ici, effectivement. Oui. Mm-hmm. Ah ben, 21h, 22h. Oui. Mm-hmm. Attends, c'est quand on est raconté, qui était là ce samedi-là, ici? Vous étiez, quelles sont les personnes qui étaient là ce samedi, vous êtes ceux qui étaient là, la nuit où elle était là, vous l'avez quittée pour aller, vous étiez là, n'est-ce pas? Mm-hmm. C'est quand on est raconté, c'est vrai, qu'elle était ici avec l'enfant, l'enfant jouait, et puis elle est partie. Ok. Est-ce que j'étais ici au milieu de vous? Non. Avançons. Mm-hmm. C'est donc comme ça que je prends donc... Elle me dit, prends la moto, va à Bounamou Sadi. Je suis tombé dans un père qui avait la moto, il roulait tellement. Celle de la santé, du centre de la santé, a dit que tu partais. Oui, à Bounamou Sadi. Qu'est-ce qu'elle a mis dans l'enfant à ce moment-là? L'alcool, pour essayer de l'animer, rien. L'alcool comment? Donc, quand l'enfant confuse, on met l'alcool, ça l'enfant. Non, il avait confusé. Hein? Donc, ça m'a montré, il bavait, il chiait en même temps, il bavait. Il y avait la bave qui sortait. Oui. Il bavait en même temps, les yeux montaient, il chiait en même temps. Mm-hmm. Il faisait tout ça. Oui. Allons-y. Oui. Donc, et là, maintenant, tu quittes du centre de santé à quel... Bounamou Sadi. L'hôpital de Bounamou Sadi. À l'outil, comment toi tu... L'hôpital de Bounamou Sadi. L'hôpital du district. Donc, ça, c'est un hôpital de santé public. Oui. Oui. Ils sont là, quand ils sont arrivés, on ne m'a pas laissé le temps d'expliquer ce qui se passe. On a seulement écarté les zones, que pendant qu'on court à la quintinie. Ah ouais. Oui. C'est donc comme ça que je criais que la quintinie est loin, la quintinie est loin. Il y avait des mamans qui étaient là, ils ont dit ma fille va à Lutien. Oui. Ils ont tous. Et ceux-ci ont. Les gens de Bounamou, ils n'ont pas d'appareil suffisant pour pouvoir faire les choses ou quoi? Ils n'ont pas. Oui. Uh-huh. Pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est donc comme ça que. Pendant que nous étions. Vous attendez là-bas? Pendant que nous étions sur la moto pour aller à Lutien, ils voulaient tellement lentement, je faisais que dire. Pardon, on file vite. Oui, fais comme si c'était ton enfant, fais comme si c'était ton enfant. On avançait, on faisait prier sur l'enfant, prier, bon. Et nous sommes arrivés à l'UTM. Oui. Il y a trois infirmières qui l'ont consulté, l'enfant n'était plus. Oui. Alors, ils ont consulté, ils ont dit que qu'est-ce qui a arrêté l'enfant? Qu'est-ce qui était avec l'enfant? Qu'est-ce qui dérangeait l'enfant? Quel était le diagnostic? Non, rien dit. Moi, c'est mangé assis. Seulement comme ça. Mm-hmm. Et c'est de là donc que tu es rentré. Oui. Nous sommes à quelle heure? Nous sommes rentrés vers les 1h. Non, nous sommes encore à l'hôpital. Oui. Tu es à l'hôpital. On t'a donné cette chose-là, ce diagnostic. Oui. Tu as l'enfant entre tes mains. Tu es encore seul à l'hôpital. Je suis seul. Et on devait le dire que l'enfant est décédé. Oui. Quelle était ta réaction? Quelle est la personne que tu as appelée en premier lieu? Voilà. Comme je n'avais pas de téléphone. Oui. Je n'avais pas de téléphone. J'ai dit, je fais comment? J'étais perdu. Mm-hmm. Je me suis seulement dirigé, comme il y a la maman, une maman. Maman Anna qui la connaît bien, maman lui dit, oui. Elle est juste à côté de la 8e. Oui. J'ai dit que je vais d'abord là-bas, elle va m'aider à réfléchir clair. Mm-hmm. Parce que là, je ne réfléchis pas. Mm-hmm. C'est comme ça que je vais donc. Vous entendez dehors là?

comme il était un peu rêvé. Ah, c'est pas vrai. Je m'approche vers l'enfant, je m'approche vers la chambre de l'enfant et sans le cadavre. Je dis que, ok, c'est quelle histoire ça? Je dis, ok. Après, je vais devant l'Éternel, je demande que Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire de m'enterrer? Donc, elle demande à l'Éternel, souvenez-vous, l'Éternel lui a d'abord donné Hébreux 3, c'est la prière. Donc, elle va encore devant l'Éternel. L'Éternel lui a dit, l'Éternel, souvenez-vous, c'est l'Éternel qu'elle a utilisé. L'Éternel lui dit enterrer. Je rentre la bonne et je dis, bon, il faut qu'on l'appelle pour lui dire d'appeler sa belle famille et enterrer le corps. Mais ça m'a dit que non, il faut qu'on supporte ce qu'elle est en train de dire. Ils ont prié jusqu'à 18h20. De 6h à 20h. Oui. Ils ont porté leurs chaussures. Frère, je me tire pourquoi? Vous avez vu ce qu'il y a avec Dieu ici, là, sur la terre, c'est... Donc, vous n'avez pas eu la révélation d'enterrer. Nous n'avons pas les chaussures. Non, non, ta bouche a sorti, mais non, non. Tu vois, t'as pas les chaussures que tu as enlevées là-bas. Donc, frère, je vais vous prier avec les chaussures. Je cherche à entendre les informations qu'on me donne, là. Vous avez enlevé les chaussures en disant que nous sommes dans la terre sur laquelle nous tenons, ouais, ça. Hein? Hein, frère, je vais, allons-y, ici. Ils sont partis. Frère Bolo, tu as porté ta chaussure, vous êtes parti. Ce qu'on a laissé là, pour continuer à prier. Tenez-vous, leur demandez quel est votre. Qu'est-ce que votre Dieu a dit? Quels sont ceux qui sont restés ou à qui on a posé ces questions? Qu'est-ce que votre Dieu a dit? C'est qui? Ah, toi tu étais là. Hein? Ok, c'est qu'elle a dit là. Elle dit qu'elle a dit que ton Dieu est où? Tu connais la personne qu'elle a dit parler? Quand il parle le sommet, donc laissons le temps. Parce que je ne pense pas qu'on sait le même Dieu. Qu'est-ce que votre Dieu a? Donc, tu comprends que ta soeur, on lui dit que vous ne savez pas le même Dieu. Ah, Dieu. D'abord, c'est évident, puisque ici, c'est la boutique, c'est une chose, c'est la famille de Satan, et ainsi de suite, d'accord? C'est évident. Il me répond qu'il faut attendre jusqu'au matin. Qui a donné cette réponse à cette fille-ci, qu'il faut attendre jusqu'au matin? Puisqu'elle a dit que ceux qui... Puisqu'elle... C'est pas comment? Attends, toi, tu étais là-bas, hein? Vous avez dormi là-bas. Donc, parce que d'après ce qu'elle raconte, les personnes qui priaient avaient porté les chaussures sont parties. Donc, ça veut dire que ce n'est pas eux qui ont répondu cela. Oui, toi, tu dis que la sœur Malice avait dit quoi? Que c'est parce qu'elle donne le point, elle dit qu'on a dit qu'on attend jusqu'au matin. Oui. Parle là, ici. La sœur Malice a dit. Toujours au fait, oui. On a demandé d'attendre. Elle dit qu'on attend jusqu'au. Puisque sa sœur est venue, elle menaçait. Au fait, elle est venue. Au fait, oui. Quelle sœur? Quelle sœur venait menacer? La sœur Nadèche, là. C'est ce qu'on allait parler, si. Quand mes frères avaient, elle est venue me trouver. À la cuisine. Oui. Elle m'a demandé de dire à ma soeur, donc elle parlait comme ça de Marie, que dit à ta soeur, tu me connais, non? Tu me connais, non? Attends, toi tu la connais justement. elle dit si c'est dégagement. Elle dit, tu me connais, non? Tu me connais. Appelle ta soeur là. C'est elle que tu disais qu'elle voulait être pasteur. Donc à ce moment, si elle est pasteur, elle va même t'appeler pour que les gens croient. Elle buvait le vin, frère, sans qu'elle ait la voix du vin. Donc elle buvait parce que tu ne sais pas si l'esprit du vin est sorti. Est-ce qu'il y a l'esprit du vin fait ça? Oui. Elle dit, tu me connais, non? Oui. Tu dis à ta soeur là, tu me connais, non? Elle dit comme ça, sa soeur se vient de Malice. Elle parlait de Malice. Qu'est-ce que Malice lui avait fait? Elle est donc venue. Oui. Parce que moi, je ne savais pas ce qui s'est passé d'ailleurs. Oui. J'étais à la cuisine. C'est là où ma soeur Malice vient nous trouver. Mais c'est pas d'ici. À la cuisine. Elle est en train de répliquer aussi à la soeur là. À cette Nadège là. Oui, elle est en train de parler aussi. À Nadège. Oui, avec autorité aussi que. On a dit que. Dans, on attend. Donc c'était chaud là-bas. Je me et tout était l'état du corps. Le corps est en train de pourrir. Donc vous voyez effectivement qu'ils en ont parlé. Mais là, je pose la question. On dit, nous nous retrouvons ici. Elle dit, d'après ce qu'elle raconte là, il était 20h. C'est ça, n'est-ce pas ma soeur? Elle a raconté que cet événement s'est passé vers 20h. Tu me suis un peu. Je veux que tu nous donnes le site parce qu'il veut poser une question. Elle dit que l'événement si. C'est à 20h, le corps est en train de pourrir. Je vais te poser la question sur le corps est en train de pourrir. Ça veut dire que nous sommes ici dimanche. C'est ça, non? Oui, dimanche. À 20h. L'enfant est décédé la nuit. Enfin, quand c'est la nuit, c'est entre le samedi et dimanche. Parce que tu es allé à l'hôpital, il se fait une heure que tu appelles. Donc, on était là en plein dimanche. Est-ce que c'est normal qu'en un jour, l'enfant meurt comme ça, commence à pourrir? Je pose la question dans vous. Papa, t'as une question. Oui.

Adonai, maître du ciel et de la terre. Alléluia.